Papier pour tous. Papier, papier, papier pour tous. Bonjour à l'écoute du journal Sans Papier sur Radio Panique 105.4. Le journal Sans Papier qui en est à sa deuxième édition, qui est une nouvelle émission sur la chaîne. Une émission d'actualité qui est consacrée donc à la lutte des sans-papiers, lutte au quotidien avec pour enjeu la régularisation et aussi la lutte à plus long terme pour une société démocratique et tournée vers des besoins humains. Le journal couvre donc l'actualité hebdomadaire des luttes et des luttes des sans-papiers et aussi de l'économie et des relations nord-sud. Nous vous rappelons que donc le journal des sans-papiers est ouvert à la participation de tous et se veut fait par ses auditeurs et dans le respect de l'autonomie rédactionnelle de Radio Panique. C'est des informations que je rappellerai en fin d'émission, mais vous pouvez d'ores et déjà noter que pour les gens qui veulent participer à cette émission, nous avons un rendez-vous hebdomadaire tous les vendredis à 17h aux locaux de Radio Panique, donc au 49 de la rue Saint-Jos. Et que vous pouvez aussi nous joindre la rédaction du journal Sans Papier, à l'email papier, pluriel, @radiopanique.org, ou en téléphonant au 02 732 14 45. Voilà, donc aujourd'hui, on va commencer comme chaque lundi par l'action de la semaine. Cette semaine, on avait le choix entre pas mal d'actions, l'actualité est assez chargée. On a choisi de vous parler plus particulièrement de ce qui s'est passé hier à Merxplace, au centre fermé de Merxplace, dans la région d'Anvers. Et pour aborder cette actualité et pour l'élargir au thème des centres fermés en général, on a invité Pierre-Arnaud Perrouti, qui est conseiller juridique à la Ligue des droits de l'homme et auteur de nombreux travaux sur la question des centres fermés et plus largement de la place du citoyen face à la loi. Bonjour. Bonjour. Donc on va d'abord écouter un reportage qui a donc été fait hier à Merxplace et qui nous donnera une idée de l'ambiance qu'il y avait. La Belgique a signé et ratifié la Convention pour les droits de l'enfant. Cette convention dit que dans chaque mesure qu'on prend, qui a des conséquences pour un enfant, il faut d'abord penser aux enfants, donc ce qui est le mieux pour les enfants. Et c'est clair qu'être enfermé, ne pas pouvoir aller à l'école, être enfermé ensemble avec des adultes, sans vraiment de jouer et tout, de moyen de s'amuser, de jouer, c'est pas vraiment bien pour l'enfant, je pense. Le gouvernement prévoit d'améliorer des centres fermés et c'est pas leur politique d'immigration. Donc, on va faire dans des centres fermés des piscines, des écoles. On veut faire des centres fermés, mais on prévoit aussi l'ouverture de deux nouveaux centres fermés qui disent des centres fermés pour des familles. C'est vrai, les sans-papiers seront gâtés pour être expulsés. On va les gâter, ils vont faire la piscine, mais après, le soir, ils vont prendre l'avion vers leur pays. Nous sommes venus de Liège et de Bruxelles. On est avec un bus de sans-papiers de Liège et de Bruxelles. Nous venons évidemment manifester contre l'enfermement des enfants et de leurs parents ici à Merckxplatz, à Votem bientôt, 127 bis et partout. Et nous vous donnons rendez-vous à la manifestation à Votem, où on va surtout protester contre l'enfermement de tous les sans-papiers. Il n'y a aucun sans-papier qui mérite d'être enfermé parce qu'il est illégal, parce qu'il crevait chez lui, parce qu'il était malheureux chez lui. Contre les centres fermés de tous les sans-papiers. Nous nous battons aussi contre l'Europe forteresse. Tout le monde sait que c'est partout dans les pays européens la même chose. Qu'en dehors des frontières, on arrête les migrants. Qu'il y a des centaines, j'ai vu des milliers de personnes qui meurent. Et on voudrait bien aussi élargir le débat à ce moment-là. C'est, après tout, c'est des personnes, même si c'est des personnes issues de l'immigration. Et on sait que l'humanisme est beaucoup plus important. Il faut tenir compte de la personne d'abord, qui avant tout la personne est une humaine. Il ne faut pas l'enfermer, quoi. Il faut le traiter bien comme tous les autres, quoi. Voilà, quoi. C'est pourquoi je suis venu ici aussi, quoi. Voilà, je suis pour la fermeture des centres. Voilà, parce que c'est inhumain, quoi. Parce qu'il faut parler encore de l'exemple des enclaves encore. Ça donne un peu l'exemple des enclaves où les gens sont encore plus maltraités. Encore, on peut faire allusion à ça aussi, hein, que c'est pareil par rapport aux centres fermés, quoi. Les enclaves, tu veux dire? Tu parles d'eux? Si t'as par exemple Melilla, où les gens arrivent dans les grillages, encore maltraités, quoi. Donc c'est encore plus pire que les centres, mais encore, je peux dire que les centres fermés ici en Belgique peuvent maintenant rentrer dans la même catégorie que ces enclaves-là vers le Maroc aussi, quoi. On a vu des morts, quoi, par exemple. On veut la régularisation. On va créer la régularisation et la liberté à ces personnes qui sont là au centre fermé, à des familles, à des enfants qui sont fermés là, à ce centre que vous voyez là, centre fermé. Il faut abandonner la piste des centres fermés parce qu'il n'y a pas de place pour une prison pour des gens qui n'ont rien fait. Je suis sûr que l'histoire va le condamner pour l'existence même du centre fermé ici en Belgique. Un jour ou un autre, ça sera une honte sur l'histoire de Belgique. Et pour ça, il faut se mobiliser tout le temps pour montrer clair que c'est une honte. C'est quand même aberrant que quand on est dans ce pays, on voit ce qui se passe, les mêmes responsables politiques qui soutiennent des dictatures dans des pays en voie de développement, dans les pays sous-développés, en Afrique en particulier, comment ouvre des centres fermés pour enfermer les victimes, disons, des personnes qui sont soutenues dans nos pays, quoi. Et on se dit, mais non, ça ne peut pas continuer comme ça. Et lorsque les bourreaux viennent dans ces pays ici, on déroule les tapis rouges, mais quand les victimes viennent, on les enferme dans des centres fermés. Je trouve ça sadique, je trouve ça inhumain et je trouve ça intolérable, voilà. Les personnes qui sont ici, par exemple, la personne avec sa caméra, le monsieur avec ses lunettes, l'autre avec ses lunettes et le quatrième qui est là, ce sont des policiers en civil détachés par la police sur le monde de l'Espagne pour nous espionner pendant toute la manifestation, nous surveiller, nous filmer. Donc ça, c'est le travail de la police. Dans les manifestations, on vous les signale haut et fort, ils sont là parmi nous. Donc faites attention avec ces personnes-là, parce qu'elles peuvent devenir agressives, elles peuvent devenir violentes. Donc je vous donne rendez-vous, premièrement, à Votem, dimanche prochain, 22 avril, à 14h, à l'hôpital de la Citadelle, pour protester contre l'enfermement de tous les sans-papiers. Et alors, on me demande de préciser que la manifestation UDEP à Bruxelles est à 14h, le 19 mai, à la gare du Midi. Voilà. Voilà. Voilà, donc c'était un reportage sur ce qui s'est passé hier, dimanche, devant le centre fermé de Merxplatz. Bon, je ne suis pas expert, je ne sais pas combien on était exactement. Je dirais qu'on était aux alentours des 200 personnes, ce qui était, vu le temps, radieux, et toutes les occupations que les gens ont, des fois, le dimanche. Un bon chiffre, et il y avait une ambiance très, très, très joviale, disons. Pour ce type d'occasion, je présente un peu les gens qu'on a entendus. Il y avait Abdesalam, qu'on a entendu dans ce reportage. Il y a Astrid, de la Ligue des Droits de l'Homme. Vous avez entendu aussi Evelyne, du CRER. Djibril, Alex, du VAC, qui lui était enregistré, malheureusement, pas le jour même, c'est-à-dire dans une église, qui expliquait un peu les résonances. Fabien, de la radio Equinox aussi, qu'on va réentendre tout à l'heure. Donc voilà, par rapport à ce reportage, Pierre-Arnaud Perrouti, peut-être une réaction. C'est déjà pas mal qu'il y ait eu 200 personnes pour aller jusqu'au bout du monde de la Belgique, près de la frontière hollandaise, devant ce centre de Merxplatz, qui effectivement est très éloigné de tout. C'est assez étonnant comme endroit. Et puis bon, ça fait du bien d'entendre des gens qui continuent de s'indigner devant cette politique d'enfermement, même si ça fait des années, ça fait plus de 10 ans, 15, 20 ans que la Belgique enferme. Donc oui, ça fait du bien d'entendre ça. On sait finalement assez peu de choses de ces centres fermés et de celui de Merxplatz, par exemple. Quoi. Oui, alors Merxplatz, c'est un centre un peu particulier dans l'histoire des centres. D'abord, c'est un très vieux bâtiment qui a été construit à la fin du 19e siècle. Je crois qu'il date de 1895. Et dès l'époque, il avait été construit pour mettre des gens à l'écart. À l'époque, c'est ce qu'on appelait les vagabonds, en dehors de la ville, en dehors de tout. Et donc, ça avait déjà, dès l'origine, une fonction de vraiment mettre sur le côté, en dehors du champ visible, ce qui pouvait gêner. À l'époque, c'était les vagabonds. Aujourd'hui, ce sont les sans-papiers. Et alors, le site en lui-même est particulier, évidemment. Il y a non seulement le centre fermé lui-même, qui a toutes les apparences d'une prison comme les autres centres, mais à côté, pour le coup, il y a la véritable prison de Merxplatz. Et puis, en face, il y a l'église. Donc, on a vraiment l'impression d'avoir toutes les institutions qui vont non seulement vous enfermer, vous remettre sur le droit chemin, et puis peut-être vous réinsérer pour ce qui est des détenus, vous éloigner pour ce qui est des étrangers dans les centres. En tout cas, oui, c'est vrai que c'est un vestige un peu d'un autre temps, cet endroit. Et par ailleurs, on peut y voir, comme on disait tout à l'heure, se voir se promener des gens le dimanche en vélo, passer devant ce centre. Mais ça, par contre, c'est pas du tout propre à Merxplatz, ça se passe ailleurs aussi. Ouais. Combien il y a de centres, on peut peut-être le rappeler, puisque en fait, pour le journal Sans Papier, on en est à notre première émission sur la question. On savait bien qu'on ne pourrait pas épuiser la question des centres fermés. Mais bon, disons, donc en général, combien on a de centres en Belgique, de centres fermés ? Alors en Belgique, il y a 6 centres qui sont effectivement pas très connus. Il y en a 2 en Flandre, dont celui de Merxplatz. Il y en a un autre à Bruges. Il y a un centre à Liège, celui de Votem, qui est assez connu aussi. Et puis alors, il y en a 3 à Bruxelles. Le centre 127 bis, assez connu aussi. Le centre 127, juste à côté de l'aéroport. Et puis un tout petit centre moins connu qui s'appelle le centre INAD, qui comprend une trentaine de personnes dans les locaux même de l'aéroport. Donc en tout, ça nous fait 6 centres. Pour environ 600 places, même si les projets du gouvernement sont d'étendre ça. Pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas vraiment les budgets pour l'étendre de manière significative, donc on va rester autour de 600 places dans les mois et les années à venir, je pense. D'accord. Et c'est la construction de ces centres, l'ouverture de ces centres, se situe à peu près quand, j'imagine qu'il y a... À la fin des années 80, en fait. Je crois que le premier centre a ouvert en 88 ou 89 de mémoire, et le dernier, c'est le centre de Votem, qui lui a ouvert en 99. Donc en 10 ans à peu près, les centres ont été soit construits ad hoc, comme c'est le cas à Votem, soit on a récupéré des vieux bâtiments comme à Merxplatz pour y mettre les étrangers qu'on voulait expulser. Quoi. D'accord. Bon, alors 6 centres, on peut aller devant, manifester. Il est beaucoup plus rare qu'on puisse y pénétrer. On sait que donc c'est des endroits où sont incarcérés des personnes qui ne disposent pas de papier. Mais il y a quand même un gros problème quand on s'intéresse à cette question. Enfin, c'est ce que j'ai pu remarquer, c'est le flou des termes qu'on emploie pour désigner cette réalité. Et je voulais vous soumettre un petit exemple, par exemple, d'une chose que j'ai trouvée dans la presse, plutôt sur le site, hein, puisque ça a été publié le 6 mars 2007. C'est le magazine 7 sur 7. Bon, c'est peut-être pas ce que la presse belge produit de meilleur, mais voilà, il disait que le centre de Merxplatz avait été badigeonné de graffitis dans la nuit du lundi à mardi avec des textes comme « Anarchie » et « Liberté pour tous les sans-papiers ». Et la police pense que cet acte de vandalisme est à mettre en rapport avec les manifestations contre le centre fermé pour illégaux. Les vandales ont notamment pris pour cible la façade de la maison communale, celle d'une école, un supermarché. J'ai effectivement pu observer ça. Ça a été effacé depuis. Hein, c'est sur la façade du Lidl. On est un peu choqué d'entendre parler des centres fermés de façon aussi laconique, parce qu'on nous dit que là, c'est du vandalisme. On se demande si ça pourrait pas avoir un rapport aussi avec une forme de résistance, ce type de graffiti. Ça, c'est quand la presse en parle. Mais comme les auditeurs de la semaine dernière auront pu déjà entendre ce son, on l'adore, c'est quand les ministres en parlent. Alors ça, c'est intéressant aussi. Je ne suis pas d'accord avec vous pour dire, comme ça, de manière caricaturale, que c'est une prison. La Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg a dit dans son arrêt du 12 octobre que c'est un régime carcéral destiné à des adultes et pas des enfants. Vous êtes commissaire européen et vous dites que la Cour européenne... Que l'on peut espérer un meilleur traitement, sans doute, que l'on peut espérer une situation plus idéale, sans doute, mais je ne peux pas accepter que l'on dise que c'est une prison, en plus, ça n'est pas... C'est un arrêt de la Cour européenne, monsieur le commissaire. Je rejoins ce que... Donc voilà, c'était Louis Michel qui intervenait dans une tribune du soir, justement, quand on parlait de presse. Alors là, donc, il s'agit de nier le caractère carcéral des centres fermés. On est vraiment dans une querelle de mots. Et vous-même, Pierre-Arnaud Perrouti, vous avez travaillé sur cette question. Oui, on va travailler, c'est un grand mot, mais c'est quelque chose d'assez frappant, effectivement. Il y a une querelle sémantique permanente, en fait, autour de ces questions-là. Là, c'est très frappant d'entendre Louis Michel qui dit « c'est pas une prison ». J'aurais envie de lui demander « est-ce qu'il est jamais allé dans un centre fermé ? Est-ce qu'il a jamais passé la porte d'un centre fermé ?» Parce qu'objectivement, ça a tous les attributs d'une prison, depuis les barbelés, depuis les barrières sécurisées, depuis les sécurités et les fouilles à l'entrée, jusqu'au régime de groupe. Parfois même, les détenus de centre fermé s'estiment moins bien traités en centre fermé qu'en prison, par exemple, parce qu'ils n'ont pas la télévision dans leur chambre ou qu'ils ne peuvent pas y travailler. Donc là, effectivement, c'est un exemple. Et l'autre pendant, parler de vandalisme pour des graffitis qui demandent la libération de sans-papiers, ben là, on est plus dans le versant criminalisation et des migrants et de ceux qui les défendent et qui leur apportent de l'aide. Mais plus généralement, ce qu'on constate, c'est qu'il y a effectivement une sorte de double discours permanent. D'un côté, qui veut euphémiser, donc adoucir le traitement qu'on fait subir aux migrants. Mais par contre, quand il s'agit de présenter la menace que les migrants représentent, là, tout à coup, on sort le gros vocabulaire et l'artillerie lourde. Alors, des exemples de ça. Par exemple, pour parler des détenus de centres fermés, nous parlons à la Ligue des droits de l'homme et ailleurs, on en parle comme des détenus, mais l'administration en parle comme des occupants ou comme des résidents. Effectivement, résident, ça fait un peu penser centre de vacances. Il y a tout à l'heure quelqu'un qui était interrogé qui disait « on va nous mettre des piscines et puis on va les expulser ». C'est vrai que ça fait un peu penser à ça. Donc il ne s'agit pas du tout d'occupants ou de résidents, il s'agit bien de détenus, il faut appeler un chat un chat. Même chose pour ce qu'on a appelé les vols sécurisés qui, en fait, définissent les charters, ce que nous, on appelle des charters, donc c'est l'expulsion collective de personnes. Même chose pour l'éloignement, au lieu de parler d'expulsion, évidemment, c'est plus soft de parler d'éloignement, c'est moins ferme que d'expulser. Et donc voilà, il y a d'une part cette espèce d'idée qu'on adoucit en permanence, et de l'autre côté, par contre, quand on parle de menaces, là, tout de suite, on parle d'afflux, quand on ne parle pas d'afflux massif et de lien avec le terrorisme, et de danger permanent, et de guerre aux migrants. Donc il y a vraiment une guerre des migrants. Donc il y a un jeu constant, une balance constante entre les deux. Et c'est clair qu'on essaie de rectifier chaque fois qu'on peut, mais que les médias, malheureusement, se font trop souvent l'écart. Enfin, ce n'est pas le cas de tous. Il y a des journalistes qui savent très bien ce qu'ils écrivent et qui connaissent bien la question. Mais trop souvent, les médias se laissent un peu embarquer dans des terminologies un peu trop vite utilisé, quoi. Oui, oui, oui. Et c'est, enfin, ça me fait penser à un article du Monde diplomatique qui est paru il y a un mois peut-être, sur le fait qu'il était très difficile de parler de certains faits d'actualité comme Israël-Palestine, par exemple, en utilisant des mots qui représentent réellement des choses, quoi, et pas seulement des idées. Il est sûr que sous ce flou de vocabulaire, qui est quand même un espèce de filet comme ça tendu sur la réalité. Par ailleurs, le ministre De Waal a admis récemment qu'il n'y avait pas de raison de différencier le personnel des centres fermés du personnel des prisons sur un plan syndical, j'imagine, sur un plan de leurs revendications au paiement des heures supplémentaires. Et que donc, quand il s'agit de ce point de vue-là, en tout cas, lui ne fait pas de différence entre les deux. Oui, ça c'était assez drôle, évidemment. Mais ça, c'est tout récent, c'est dans un arrêté ministériel que le ministre De Waal a pris. Je pense que c'est des vieilles revendications syndicales de faire payer, de payer, ce qui est normal, après tout, des heures supplémentaires prestées par des fonctionnaires, mais il se fait que ces fonctionnaires travaillent dans des centres fermés et qu'eux demandent à être payés au même tarif en fait, que les gardiens de prison. Et donc pour ça, De Waal estimait qu'il n'y avait pas de raison de les payer moins cher puisqu'ils faisaient le même boulot. Et donc effectivement, ça met de l'eau au moulin. Peut-être qu'il devrait parler à Louis Michel et échanger des propos là-dessus. D'accord. Pour poursuivre sur ce qui s'est passé hier à Merckx-Place, on aura pu voir un peu dans le premier reportage qu'il y avait une espèce de tension quand même entre, d'une part, la lutte pour le cas spécifique des enfants et une envie de généraliser la revendication à tous les sans-papiers. Et c'est sûr que dans le mouvement de résistance au centre fermé, il y a comme ça aussi des tensions qui engendrent des tensions dans le vocabulaire. On va peut-être en voir un exemple, en tout cas un déplacement encore de la terminologie. Des camps, des prisons pour étrangers, où on enferme des gens qui n'ont rien fait de mal, quoi, rien de criminel, mais bon, on les accuse et on les enferme dans ces centres avant de les déporter. Et notamment des familles avec des enfants, parfois des enfants très petits, hein, des petits bébés. Alors que c'est tout à fait interdit, que la Belgique a été condamnée à plusieurs fois déjà par la Cour européenne et par des organisations des droits de l'homme pour le non-respect des conventions internationales sur le respect de la famille et des enfants. Mais que ce gouvernement continue et insiste, notamment par un dernier projet du ministre de l'Intérieur, Patrick De Waal, de vouloir engager des péricultrices et des professeurs pour aller enseigner dans les centres fermés. Tu as parlé de camps. Est-ce qu'il faut parler de centres fermés? Est-ce qu'il faut parler de prison? Est-ce qu'il faut parler de camps? Ça dépend, à mon avis, le point de vue dans lequel on se situe pour regarder le monde. Pour moi, ce sont des prisons. Des prisons pour enfermer des étrangers. Des camps parce qu'ils ressemblent étrangement aux camps nazis de la Deuxième Guerre mondiale. Donc des barbelés, des grillages, aujourd'hui avec la technologie des caméras, des surveillances, des gardiens qui sont là et qui rôdent pour voir si tout va bien. Donc c'est ça, c'est par le fait que ça nous fait penser, ça nous interpelle, ça nous rappelle des mauvais souvenirs, qu'on peut les appeler des camps. Je te remercie. Louis Michel a déclaré dernièrement dans une tribune, il est invité par Le Soir, le journal Le Soir, il a dit qu'on ne pouvait pas assimiler les centres fermés à des prisons. Vous pensez quoi de ça? Mais justement, il a raison, on ne peut pas assimiler des centres fermés à des prisons, mais il faut par contre les assimiler à des centres de concentration, comme ce fut le cas à Auschwitz, comme ce fut le cas pendant la Deuxième Guerre mondiale avec les Juifs. Parce qu'en fait, pour être dans une prison, on est supposé avoir commis un délit. Mais pour être dans un centre fermé, on ne commet pas des délits. Le seul délit, c'est d'être venu demander la protection. Vous venez demander la protection, on vous met dans un centre fermé. La même chose, les Juifs n'avaient pas commis des délits. C'est simplement parce qu'ils étaient Juifs qu'ils se sont retrouvés dans des camps de concentration. Louis Michel a raison. C'est le même Louis Michel qui soutient les dictatures, par exemple, au Congo, qui soutient les dictatures dans les pays du tiers-monde, qui va organiser des élections électroniques pour faire passer un candidat qui n'est pas aimé par la population. Eh bien, c'est le même Louis Michel qui considère qu'on ne peut pas assimiler les centres fermés à des prisons. Il a raison, il faut les assimiler au centre de concentration. Voilà. Voilà, donc c'était respectivement Oscar du CRER et Fabien qui travaillait à la radio Equinox et qui était là en tant que manifestant. Une réaction alors D'abord, comparer les centres fermés aux camps d'extermination nazis pendant la guerre, là non, clairement non. Je pense qu'il faut vraiment, il y a une ligne à pas franchir là. La politique n'est pas la même, le sort réservé aux étrangers qui sont enfermés n'est pas celui réservé aux juifs. Donc là, je pense que ce genre de personnes et ce genre de propos décrédibilisent en grande partie les gens qui les tiennent. Et donc je pense qu'il faut vraiment éviter de franchir ce pas-là. Alors sur la question des camps, est-ce qu'on appelle ça un camp ou une prison? Peu importe, finalement, la Ligue milite dans un réseau qui s'appelle Migre Europe, dont vos auditeurs ont peut-être entendu parler. Sinon, je les invite à aller sur le site de Migre Europe, donc c'est www.migreeurope.com. sans e à la fin.org, mais en tapant Migre Europe sur Google, vous allez le trouver aussi. Et je vous parle de ça parce qu'il y a Migre Europe, depuis quelques années, a utilisé le mot camp, et ça lui a été assez reproché au départ. Et donc on s'était fendu à l'époque d'un texte de justification en disant pourquoi on avait choisi ce terme-là, tout en prenant bien soin de se distancer d'amalgames trop facile. Mais pour nous, le terme camp était parlant, d'abord parce que sans encore une fois aller jusqu'au camp nazi. Le camp n'est pas du tout l'apanage des nazis. C'est vraiment un dispositif qui peut être soit physique et prendre l'aspect d'une prison, on ne va pas ergoter éternellement, mais qui peut prendre l'aspect d'une prison sur le territoire européen, mais peut prendre des aspects beaucoup plus informels aussi aux frontières de l'Europe, et en particulier juste au-delà des frontières de l'Europe, en Afrique du Nord, mais aussi en Europe de l'Est. Et même au-delà de ces camps plus informels, mais qui restent des entités physiques, donc en fait des regroupements de migrants qui échouent aux frontières et qui espèrent passer d'une manière ou d'une autre, soit vers les Canaries, soit à travers le détroit de Gibraltar, ou plus maintenant vers le détroit de Gibraltar parce qu'il est bien bétonné, mais plutôt vers le sud de l'Italie, voire maintenant plus récemment vers la Sardaigne. Mais au-delà de ces camps informels, on utilisait même le mot camp, on faisait rentrer dans le mot camp des dispositifs qui sont beaucoup plus impalpables et moins physiques pour le coup, comme la politique de visa par exemple. Et rien que la politique de visa en elle-même est une manière de tenir les gens à distance et de... Bon, on force un peu le trait, hein, mais de se dire qu'il y aurait une sorte de gros camp, mais qui se trouve à l'extérieur des frontières de l'Europe, et que les frontières physiques de l'Union européenne ne seraient plus qu'en fait une sorte de dernier rempart destiné à se protéger des migrants, mais qu'avant ça, il y a toute une série de moyens qui sont utilisés pour freiner les migrants depuis leur point de départ. Et donc, dans ce sens-là, tout ce dispositif nous paraissait aller dans cette direction-là, et on a regroupé ça sous le terme de camp. D'accord. Je pensais juste une information, c'est une question que je me pose. J'ai effectivement vu la carte qui est très très bien faite, j'allais y renvoyer qu'adressait Migre Europe. Mais combien de centres fermés il y a en Europe ? Alors c'est très difficile à dire parce qu'il y a des pays où, donc pour juste revenir un cran en arrière, Migre Europe a établi effectivement une carte qui est disponible sur le site de tous les lieux d'enfermement dont on a connaissance en Europe. Effectivement, quand on va voir cette carte, c'est assez impressionnant de voir tous les points rouges sur la carte, en particulier aux frontières sud. Donc je ne connais pas le nombre exact de camps qu'il y a, d'autant plus qu'il y a des lieux qui changent assez rapidement d'affectation, en particulier dans des zones assez instables comme les îles grecques ou comme le sud de l'Italie, en fonction des besoins et des arrivées, on va dire, pour pas tomber dans le même travers. Toujours les mots. Voilà, en fonction des arrivées qui sont affectées, désaffectées assez rapidement. Et il y a d'autres pays qui utilisent des prisons aussi. L'Allemagne notamment utilise pas mal de prisons pour enfermer des migrants. Donc il n'est pas facile d'avoir un comptage exact, mais en tout cas, on a recensé les lieux d'enfermement tels qu'on les connaissait et on essaie de mettre la carte régulièrement à jour. Et c'est assez impressionnant de voir le dispositif en place, quoi. Oui, oui, oui. Effectivement, bon, pour conclure un peu, cette appellation de camp recouvre des réalités qui sont forcément très diverses en fonction aussi de la réalité. On aurait pu développer sur la politique globale européenne, on le fera, j'espère, dans une prochaine émission. Mais c'est sûr que chacune de ces manifestations nationales de cette politique prend des formes diverses. On en a eu l'exemple lundi dernier. Il y a 90 membres du groupe d'action Migrantem Welcome à Zaandam qui ont cisaillé une clôture qui séparait deux bateaux qui étaient inaugurés ce jour-là et qui devaient contenir 300 cellules de deux personnes. Donc c'est des centres fermés sur l'eau. Voilà sur ce sujet de Merxplatz et sur la question des centres fermés. Je vais effectivement rappeler un certain nombre de sources intéressantes sur la question. On peut aller voir le dossier, le rapport que la Ligue des droits de l'homme a établi sur les centres fermés, qui est vraiment très très riche, très intéressant. Avec d'autres, je le précise, avec d'autres ONG sur le sujet. D'accord. Ça s'appelle Centres fermés pour étrangers, état des lieux. C'est ça ? C'est ça. Ça se trouve assez facilement. Quand on tape ça dans Google, je crois que ça arrive assez vite. Par exemple, dans Google, on peut chercher avec d'autres moteurs. Il y a aussi, j'ai trouvé un texte qui s'appelle « La mise à l'écart de l'étranger, centre fermé expulsion », qui est coordonné par Pierre-Arnaud Perrouti, aux éditions Labor. Il y a le site de Migre Europe, effectivement, qui est très intéressant. Pour l'action de Zaandam, dont je viens de parler, il y a le site d'Indy Media Liège qui a relayé l'info. Et il y a une bibliographie assez fouillée sur les centres fermés qui est disponible sur www.libertysecurity.org. Voilà. Voilà pour ce sujet de Merxplatz. Peut-être on y reviendra en fin d'émission si on a un petit peu le temps. Et en tout cas, je remercie Pierre-Arnaud Perrouti d'avoir été avec nous. Et merci à vous. En espérant que on pourra reparler des camps aussi d'une façon, peut-être en essayant de rentrer à l'intérieur, parce qu'aujourd'hui on s'en est tenu à l'extérieur et aux problèmes qu'on a pour percevoir cette réalité qui est effectivement assez traumatisante, disons, pour les citoyens que nous sommes. Merci. Viva la Oui, alors maintenant on va parler cinéma. Marie, tu as vu un film, tu veux nous en parler? Oui, en effet, j'ai eu la chance d'assister à l'avant-première d'un film intitulé « Elle et Rideau ». Alors quand j'étais petite, je me souviens, on m'avait emmenée assister à l'emballage du Pont Neuf, le plus vieux pont de Paris, dans un immense plastique rose par l'artiste Christo. Et aux premières images de ce film documentaire réalisé par Jawad Ralib, un jeune cinéaste belgo-marocain, on pourrait croire à une performance de ce genre-là, à la vue de cette infinité de touches brillantes, miroitant sous le soleil, en arrière-plan de cette petite ville tranquille du sud de l'Espagne, donc El Rido. Mais non, il s'agit d'une mer de plastique, et plus précisément de serre, 17 000 hectares de terre bâchée de plastique bleu et blanc. En quelques années, la région d'El Rido est en effet passée du statut de désert à celui de miracle économique. Et dans ces serres, eh bien, des hommes, originaires pour la plupart du Maroc, d'Afrique noire et dans une moindre mesure d'Europe de l'Est et d'Amérique du Sud. 90% des habitants de la ville sont concernés par le phénomène. Le fonctionnaire, le pharmacien, le policier, le médecin, tous propriétaires de serres et donc quasiment tous employeurs de la main-d'œuvre précitée. Donc dans ce contexte, vous imaginez que l'aide citoyenne s'en trouve sur place plus que limitée. Il existait bien une association de soutien à ces travailleurs, mais elle a disparu dans l'incendie volontaire, bien sûr, dont elle a été victime. Donc voilà, chers amis consommateurs de produits végétaux non issus de l'agriculture biologique, si vous vous demandiez encore comment vous pouviez acheter tout au long de l'année, hiver compris, des légumes d'été comme la courgette ou la tomate, eh bien ce film est fait pour vous. La recette est très simple et elle vous est livrée par Jawad Ralib. Choisissez quelques 14 000 hommes de bonne qualité, ingénieurs, avocats, dont la moitié environ sans papier, mus par le seul désir de survivre économiquement. Commencez par doucement les réduire en esclavage, en les maintenant dans des baraques faites de cagettes et de plastique, sans eau ni électricité, cela va de soi. Faites-les ensuite cuire à l'étouffée dans des serres tellement chaudes que l'air y est irrespirable. Parsemez de quelques tonnes de pesticides et arrosez généreusement le tout, en pillant les nappes phréatiques de la région, désertiques au demeurant. Voilà, laissez mijoter quelques années et vous obtenez un authentique miracle économique. Le tout, bien sûr, avec la bénédiction des autorités européennes, les mêmes autorités qui, je vous le rappelle au passage, entendent dans les mois qui viennent modifier le cahier des charges de l'agriculture biologique en y permettant l'introduction d'un certain pourcentage d'OGM et de pesticides. Sachez en tout cas que 80% des exportations espagnoles de fruits et légumes proviennent de cet endroit maudit, ce qui signifie concrètement que quand vous achetez un fruit, un légume ou même une fleur étiquetée Espagne, vous avez 8 chances sur 10 d'approuver indirectement ce système. Donc voilà, le 27 mars dernier, donc j'ai eu la chance, grâce à la Ligue des droits de l'homme qui est associée au film, d'assister à une projection au Vendôme de cette remarquable enquête suivie d'un débat dont je vous propose d'écouter quelques extraits. Nous sommes en Espagne, à El Rito, capitale de l'agriculture intensive sous plastique de la province d'Almeria. C'est la plus importante concentration de serres au monde. Bonsoir, moi j'ai une question. Est-ce que vous avez essayé de rentrer en contact avec les politiques sur place? Et si vous avez essayé, pourquoi ça n'a pas été possible ou pourquoi c'est pas rendu dans le film? Tout à fait. Donc en fait, on a laissé un petit peu cette partie à la fin du tournage parce qu'il ne fallait pas non plus qu'ils sachent ce qu'on fait sur place. Et donc on les a contactés une première fois pour justement avoir une interview, une rencontre sous prétexte qu'on fait un film sur la région, sur l'agriculture. Donc on n'a pas été vraiment très explicite sur le sujet. Et il n'y a pas eu de réponse. Et donc on a été justement dans le bureau chargé de communication du maire et malheureusement ils ont refusé catégoriquement de répondre et donc on a expliqué à ce moment-là exactement ce qu'on faisait, aucune réponse. Voilà. Donc en fait il faut bien savoir que la région représente quand même 80% de l'exportation espagnole, donc c'est un enjeu économique, donc de fruits et légumes, et ils sont autonomes financièrement, ils n'ont pas besoin d'argent ni d'Europe ni de l'Espagne. Et donc, eux, ils faisaient partie du Parti populaire, mais ils viennent de créer leur propre parti, ça s'appelle le Partido de Almería, le Parti d'Almería, et c'est aussi donc un parti franquiste. Donc, le maire, c'est un franquiste pur et dur. Donc, il n'y a aucune chance pour qu'un autre parti puisse entrer à El Ejido et changer les choses. Donc, aucune chance. Oui, bonsoir. J'ai deux petits points. En fait, le premier, c'est est-ce que vous n'avez pas pensé à se mettre en contact avec le mouvement syndical sur place? Et le deuxième point, c'est que est-ce que vous avez déjà pensé comment exploiter cet outil de sensibilisation du côté du Maroc, par exemple dans le pays d'origine, pour un peu limiter cette migration clandestine? Donc oui, on a rencontré un syndicat sur place, mais c'est vraiment nouveau, le mouvement syndicaliste à El Ejido. Et nous, on a filmé sur place. Malheureusement, on ne peut pas faire un film de 3 heures ou 2 heures. Donc, on a filmé sur place le 1er mai. Et donc, c'était vraiment la première fois qu'ils avaient droit à défiler à El Ejido. Et on a eu la preuve avec notre caméra, c'est-à-dire qu'on a filmé pendant quelques jours, c'est-à-dire un jour avant le 1er mai et le 1er mai. Et c'est-à-dire avant, on a été avec eux, ils ont rencontré les gens, tout le monde était prêt, tout le monde était, voilà, on va lutter, on va faire, on va sortir. Et donc quand on a filmé le 1er mai, il n'y avait pratiquement personne. Parce qu'il y a toujours ce pouvoir du patron, parce qu'en Belgique, il y a quand même des accords entre les syndicats, les patrons, le droit de manifester, le droit de parler, même de parler. Là, ils n'ont même pas le droit de parler. Ils n'ont même pas de contrat, ils n'ont pas de preuves. Et les patrons, quand ils prennent des travailleurs donc, sur la place, ils ferment la porte. Donc cette porte ne s'ouvre pas du matin au soir. Et il y a des travailleurs qui se retrouvent sans eau, sans rien, et ils sont enfermés là-dedans avec la chaleur, les produits chimiques. C'est l'invisible. C'est-à-dire qu'on ne les voit même pas. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas au bord de la route à donner une mauvaise image de l'Espagne. Donc ils sont vraiment à l'intérieur. Et quand même beaucoup de gens, il y a un Espagnol qui est ici, il est d'Almeria, et quand il a vu les images, il m'a dit « moi je n'ai jamais vu ça ». Donc il habite à Almeria, il n'a jamais vu ça. Donc voilà. Donc la deuxième réponse, oui, le film va être diffusé au Maroc, mais ceci dit, ça ne va rien changer, parce que les gens sur place croient qu'on leur ment. Tant que la communauté immigrée donc, en Belgique, en France, aux Pays-Bas, arrive avec des voitures, avec des biens de consommation, et que ces jeunes voient ces gens arriver, ils croient que l'argent il est à ramasser par terre. Donc, Je voulais vous demander un petit peu quelle a été la genèse, comment vous est venue l'idée de faire ce film. Il y a quelques années, je crois que c'était en 2000, il y a eu des violentes agressions anti-marocaine, donc la chasse aux morts qui a lieu à El Ejido, et donc je me demandais s'il y avait une raison particulière pour laquelle vous n'avez pas parlé. Moi, en 2000, j'étais sur place pour un journal marocain, justement, et j'étais traité aussi de Moro de Mierda, donc de Marocain de merde. Donc ces événements, pourquoi on n'en a pas parlé, je voulais, c'était au départ écrit au niveau de l'intro, mais parler de ces événements en 30 secondes, c'était pas possible. Donc voilà, j'ai mis ça de côté, et puis c'est-à-dire qu'il fallait que je focalise mon travail sur une catégorie, parce que ce n'est pas un reportage. Donc il y a des personnages, donc je ne voulais pas m'égarer, partir sur autre chose, parce qu'il y a l'Europe de l'Est, l'Amérique du Sud, même s'ils sont mieux lotis que les Marocains et les Africains. Bonsoir. Bonsoir. Félicitations pour le film. Vous avez montré El Ejido, c'est un cas particulier en Europe, mais je pense qu'on ne peut pas faire de séparation entre ce qui se passe en Amérique latine, en Afrique, en Europe. Aujourd'hui, il y a un problème, c'est la politique ultralibérale qui est en train de créer des inégalités. Je pense que le combat, c'est un combat politique. Malheureusement, ce n'est pas un combat qu'on pourra régler au niveau local. C'est vraiment remettre tout un système des grandes institutions non démocratiques que sont le FMI, la Banque mondiale. Non, bien sûr, on reste, c'est global. Donc, je prends juste un petit exemple. L'Union européenne, pour que le Mali puisse exporter son coton, ils exigent à ce que le Mali respecte le droit du travail et l'environnement. alors qu'au sein même de l'Europe, ce sont des choses qui ne sont pas respectées. Donc juste pour passer à une autre question. Voilà. Oui, au niveau citoyen, on est tous d'accord. Évidemment, jamais aucune institution mondiale ou même un État dira textuellement, noir sur blanc, qu'il ne faut pas respecter les droits humains. Mais on doit avoir arrêté d'être naïf en se disant, parce qu'il est stipulé qu'on doit respecter les droits humains, c'est fait. C'est le cas des sans-papiers ici. En regardant votre film, je viens de comprendre ce que veut dire M. Sarkozy par une immigration choisie. En fait, c'est des avocats, des ingénieurs qui travaillent dans des serres, en fait. Tout à fait. Moussaïd est licencié en droit. Depuis 4 ans, il vit dans les Tchabolas, ces baraques de carton et plastique que les clandestins construisent eux-mêmes. Voici Djibril, un sans-papier malien. Lui, il est gardien de cerfs et de chèvres. Son salaire, 60 euros par mois, plus la chambre, sans eau et sans électricité. N'oubliez pas qu'ils sont endettés au Maroc, ils ont payé donc une traversée, et ils doivent déjà commencer par rembourser la traversée et après donc se faire un peu d'argent. Et donc quand on entend le salaire 27 euros par jour, ils ne travaillent pas tous les jours. C'est 2 jours par semaine, parfois pendant un mois, il n'y a pas de travail. Et la vie sur place, elle est très chère. Moi, j'étais dernièrement à Ouagadougou donc pour le film, et dans la salle, j'entends quelqu'un, enfin, le Malien qui touche 60 euros, j'entends quelqu'un qui dit « Waouh, 60 euros !» Pour eux, c'est-à-dire au Burkina, c'est beaucoup. Et après, je discutais avec un jeune et il me donnait la liste des prix du pain, de l'huile, du sucre, etc. sur place. Et je lui dis « Voilà ce que ça coûte là-bas. » Et donc là, il dit « Ah, d'accord. » Là, il comprenait. Bonsoir et félicitations pour ce beau travail. Merci. Alors moi, ma question, c'est pas sur l'agriculture, mais ce qui m'a choqué aussi et qui me pose question maintenant, peut-être que vous saurez me répondre, peut-être pas, c'est lorsqu'ils disent qu'ils ont payé 7000 euros pour traverser, pour prendre un bateau, une barque. À qui profitent ces 7000 euros? Qui est derrière tout ça? Ces faux passeports, ces faux papiers, parce qu'ils disent que tout ça était du bidon. Est-ce que le gouvernement marocain, comme par hasard, il est peut-être au courant de ce qui se passe? Tout cet argent rentre dans les poches de qui? Je vous réponds rapidement. Donc j'ai fait justement il y a 2 ans et demi, 3 ans, j'ai fait un autre film qui s'appelle Brûler, disait-il, ou les raisons de la colère, où on expliquait justement tout ça. Alors cet argent, juste pour vous répondre, donc il y a une partie qui part dans les poches de la gendarmerie nationale, il y a une partie qui part dans la poche de la police, et puis la marine, c'est-à-dire qu'ils les aident même à traverser. Alors il y a quelque chose qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'en Afrique, il y a les Western Union qui sont partout en Afrique. Ces banques servent à récupérer, à avoir l'argent des travailleurs à l'étranger. Donc le Maroc, ça les intéressait d'ouvrir le robinet et de laisser partir, parce que ça libère de la place pour les autres qui veulent rester. Et puis, s'il y a 2 sur 100 ou sur 200, parce qu'ils ne passent pas tous, s'il y a 2 ou 3 ou 4 qui passent, ce sont 2 ou 3 ou 4 personnes qui vont travailler, qui vont envoyer de l'argent. Et ce qui arrive de l'Europe, c'est la première devise nationale. Donc ça rapporte plus que le tourisme, plus que l'industrie, plus que tout. Voilà. En fait, c'est très simple, le Maroc, sur 176 pays, il est classé 130 et quelques au niveau de la corruption. Mais avec toutes ces preuves que vous avez, il n'y a aucune action en justice. Alors, écoutez, moi je fais mon travail, d'accord? À partir de là, quand le film passe à la télé ou au cinéma, j'ai plus de contrôle là-dessus. Le seul contrôle que j'ai, c'est la protection de mes ressources et mes sources. C'est-à-dire les personnes qui ont intervenu là, que ce soit l'agriculteur espagnol ou le marocain, je ne peux pas dire où se trouvent ces gens. Mais je sais que j'ai eu des réactions de gens qui veulent porter l'affaire en justice parce qu'il y a justement des choses qui se disent dans le film qui ont heurté, touché beaucoup de gens. Le film, il était au Festival des droits de l'homme à Genève dernièrement. Et il y a eu un débat avec des spécialistes, des journalistes qui ont appelé carrément au boycott des produits de l'Ejido. Mais malheureusement, il n'y a plus d'étiquette Ejido. Donc c'est des étiquettes Pays-Bas, donc Hollande, Espagne. Donc voilà un petit peu, ça bouge. Donc il y a beaucoup de gens qui sont très sensibles. Et j'espère, parce que vraiment, les gens sur place sont complètement abandonnés. Il n'y a rien. Donc ils sont là et ils ont accepté de témoigner à visage découvert, justement dans l'espoir de changer les choses. Parce que j'ai refusé à cacher les visages. Ils prennent des risques, on essaie un petit peu de les protéger par la Ligue des droits de l'homme et tout. Mais il n'y a que ça comme outil pour changer les choses. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, donc comme vous l'avez sans doute compris, je ne saurais trop vous encourager à soutenir ce film documentaire. Ce que vous pourrez faire en allant le voir donc à Bruxelles dès après-demain, ce mercredi 18 avril, donc au Vendôme, ou alors en province, où la Ligue des droits de l'homme organise des avant-premières à Charleroi le jeudi 10 mai à 20h30 au cinéma Le Parc, à Liège le jeudi 31 mai à 20h au cinéma Churchill. D'autre part, toujours à Liège, mais cette fois le jeudi 10 mai à 20h, dans le cadre du cycle Cinéma Débat, sachez qu'ATAC organise en partenariat avec la SBL, les Green New, une projection du film suivie d'un débat avec France Aretz, porte-parole du CRACP, et José Moukadi, porte-parole de l'UDEP. Et enfin, sachez qu'en tant que coproducteur, la RTBF diffusera ce film au mois de septembre. Et en toute conclusion, permettez-moi de vous lire l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme. Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. Eh bien, il y a du pain sur la planche. Oui, effectivement. Encore un exemple donc d'une des réalités de cette politique européenne où on voit donc le climat se détériorer une espèce de terreur comme ça qui s'abat sur tous les citoyens et avec ces nouvelles politiques on entend beaucoup aussi parler de la France en ce moment évidemment le réseau Éducation sans frontières on entend des choses qui sont vraiment effrayantes mais il peut arriver aussi que ça se passe en bas de chez nous et qu'on en sache pas grand chose. On a appris par exemple qu'une rafle a été faite à la Bourse à Bruxelles samedi soir, où ont été arrêtés 200 papiers dont on n'a pas de nouvelles à cette heure. Si les auditeurs qui nous écoutent en ont, ils peuvent nous en transmettre. On sera éventuellement soulagé de les apprendre et surtout heureux de pouvoir les retransmettre aux auditeurs. Voilà pour ce qui est des sujets, des actions. Ça aussi, c'en était une d'action. Il faut être vigilant face à ça. On va passer à l'agenda. Oui, on va passer à l'agenda alors. Bon, pour ce qui est après s'être informé sur toute cette question des centres fermés, eh bien, il y a encore une manifestation dimanche prochain, le 22, à Votem. Donc, c'est le centre fermé de Liège. Et cette manifestation est en remémoration des 8 ans de protestation contre la construction du centre. Et donc, le rendez-vous est pour ceux de Liège est à 15h à la Citadelle, devant l'hôpital. Et pour ceux qui sont à Bruxelles, c'est au métro Trône à 12h30. Il y a un bus qui va jusque là-bas. Ensuite, donc un peu plus soft niveau débat, donc il y a des ateliers de discussion autour du thème migration et développement à Caritas, rue de la Charité, le 23 avril à 12h15. Donc pour info et inscription, le numéro de téléphone est le 02 229 36 11 ou alors sur internet info@caritas-int.be. Ensuite, pour ce qui est de l'agenda culturel, au cinéma Vendôme, donc, il y a la sortie du film El Rideau, donc, dont vous avez entendu l'annonce et le débat. Donc voilà, ça c'est pour le mercredi 18 avril. Le 18 avril également, à l'église Sainte-Hélène, qui est occupée aussi par des sans-papiers d'Amérique latine, il y a un ciné-club qui débute. Et donc maintenant, donc ce mercredi, à l'avenue des Villas 47, à l'église Sainte-Hélène, il y a un film sur la lutte des sandinistes contre Somoza. Donc ce film, c'est un film qui trace un peu l'histoire et la mémoire collective du Nicaragua et des luttes, de la participation des femmes à la lutte armée. Et donc rendez-vous mercredi 18 avril et l'entrée c'est 50 cents, donc prix symbolique. Ensuite, Festival de littérature Passaporta. Donc ça c'est pour le 22 avril. C'est toute la journée et ça va traiter de différents sujets tels que ceux de la frontière, colonialisme, exil, culture, vision de l'autre. Donc ça commence à 11h au théâtre Place des Martyrs, à la grande salle, et ce sera en version française, néerlandaise et anglaise. Et le titre, ça a l'air vraiment intéressant, « Les représentations de l'ennemi ». Donc ça va être l'avis d'un écrivain, Tsvetan Todorov, désolé pour la prononciation, et le thème pour annoncer un peu, c'est comment définissons-nous l'autre dans la société ? Peut-on utiliser la violence au nom de la liberté, de la démocratie et de la prospérité ? Ça promet. Ensuite, à 16h à l'hôtel de ville, ça continue. Welcome in Bruxelles, ça c'est c'est aussi un autre livre d'un auteur qui s'appelle Gert van Stendhal. Désolé encore une fois. Et pour plus d'informations, au cas où vous n'ayez rien compris pour le 22, donc au Passaporta, il y a ici, donc le programme est disponible au www.passaporta.be. Ensuite, pour les rendez-vous hebdomadaires, tous les jeudis à 19h, réunion frères de sang à l'église Saint-Bernard, encore une autre église occupée. Celle-ci se situe à rue de la Source, également à Saint-Gilles. Et donc, le but de cette réunion, c'est de mettre en œuvre un maximum de créativité de chacun afin de travailler autrement sur la question des sans-papiers, des sans-logements, etc. Ensuite, les lundis, sauf exception, réunion de l'UDEP à Bruxelles, à Notre-Dame de l'Immaculée, porte d'Anderlecht. Ensuite, les vendredis, entre 17h et 19h, réunion de l'organisation du festival Couleur Papier, et ça, c'est à Bruxelles Laïque. Et tous les lundis, à 11h, manifestation devant l'Office des étrangers, bien sûr, pour la régularisation de tous les sans-papiers. Il y a aussi... en parlant de manif, donc il y a la manif en soutien à Abdel Khalik, qui est dans une situation très particulière, mais qui est généralisable à tous les sans-papiers, c'est qu'il ne peut pas voyager et en fait sa famille, c'est une manifestation de soutien pour qu'il puisse avoir un visa extraordinaire pour pouvoir aller rejoindre. Ses parents, exactement. Et donc voilà, venez tous le mercredi 18 avril à 14h devant l'Office des étrangers. Et Marie vous donnera beaucoup plus de détails sur ça. Elle va nous lire une lettre qui a été écrite par le principal intéressé. Voilà, donc le fameux Abdel Khalik. Une lettre nous est parvenue très émouvante de sa part. Je vais vous la lire. Donc, je m'appelle Abdel Khalik, d'origine marocaine. Je vis en Europe depuis près de 13 ans, dont 7 en Belgique. Malgré mon engagement acharné depuis plus de 2 ans dans les occupations successives de l'église Saint-Boniface et de celle de Saint-Bernard, que j'occupe toujours en compagnie d'autres immigrés terrés dans la clandestinité, mon dossier n'a toujours pas été considéré par l'Office des étrangers. Je n'ai pas tiré le bon numéro à la dernière loterie de la régularisation ponctuelle de M. De Waal, ministre de l'Intérieur. Je suis donc, comme des milliers de personnes en Europe, un sans-droit, pour lequel il n'est pas possible d'exercer une activité déclarée, d'avoir un logement, d'être libre de me déplacer sans crainte d'un contrôle qui pourrait me ramener à la case départ, le Maroc, mon pays qui m'est cher et dans lequel je ne peux pourtant pas mieux vivre qu'ici. Mon malheur aujourd'hui est celui-ci. Ma sœur unique, rescapée de la famille, est décédée il y a quelques jours, laissant derrière elle mes trois filleules que je n'ai pas encore eu la chance de connaître, ne pouvant prendre le risque de repartir pour ne plus jamais pouvoir revenir. Au nom de toutes les personnes qui vivent des situations similaires à la mienne, j'appelle à la solidarité de tous ceux qui considèrent un humain avant de considérer ses origines. Ce mercredi 18 avril, et donc c'est après-demain, petite parenthèse, je vais me rendre à l'Office des étrangers en compagnie de quelques personnes qui me soutiennent dans ma requête de visa de retour afin de pouvoir rejoindre les trois orphelins qui sont les dernières personnes vivantes de ma famille. Je m'adresse à vous en espérant vous sensibiliser sur ma situation, témoin de milliers d'autres, et vous compter parmi les personnes prêtes à me soutenir en venant manifester votre solidarité, ce jour-là à 14h. Donc, je répète, le 18 avril à 14h, devant l'Office des étrangers. Je vous remercie de votre attention et de votre soutien, et c'est signé Abdel Ralik. Merci. C'était donc le journal sans papier, la deuxième édition. C'est une émission qui est faite par ses auditeurs, par des non-professionnels. Aujourd'hui, c'est nous. Demain, ça peut être vous. On fait pour cela, Radio Panique organise une permanence de cette émission le vendredi à 17h dans ses locaux au 49 rue Saint-Josse. Vous pouvez venir et proposer votre participation à cette émission, votre témoignage. Et vous pouvez aussi essayer de nous joindre par le téléphone, le 02 732 14 45, 02 732 14 45, ou alors nous écrire aussi par email, papier au pluriel, @radiopanique en un mot .org. Voilà, à la semaine prochaine, on va certainement vous parler de la manifestation qui aura lieu à Vautem, et on reviendra donc sur le thème des centres fermés de façon peut-être plus du côté du vécu et moins des abstractions qu'on nous balance sur la tête pour nous faire croire que tout ça n'existe pas. Sans papier, sans vérité, même si tu crèves, sans papier, sans vérité.